Bienvenue à l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or, encore une fois. Et comme vous savez, pendant la période de l'été, on a pris une pause de l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui encore, on poursuit sur le thème de l'Église locale. En général, lorsque le monde à l'extérieur pense de l'Église, ce qu'ils pensent de l'Église, ils associent l'Église à un bâtiment souvent. Ils vont l'associer à un endroit où est-ce que les gens se réunissent, les gens religieux se réunissent pour chanter, pour prier, pour, peut-être adorer ou entendre quelqu'un parler en avant. C'est probablement l'idée qu'ils se font parce que c'est ce qu'ils vivent, ou c'est ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, ou c'est ce que d'autres leur ont dit. Donc, ils font l'association avec un bâtiment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que Dieu fait lorsqu'il bâtit son Église. Et ce n'est pas d'un bâtiment que je veux vous parler, mais de vous, les croyants. Lorsque Dieu bâtit son Église, il parle de vous. Oui, je vais vous parler d'un bâtiment en partie, pour commencer. Le bâtiment où je suis présentement n'a jamais vraiment été une église. C'est un bâtiment. C'est quatre murs ou plusieurs murs ensemble. Il y a un toit, il y a une fondation. Et lorsqu'il est vide, ça ressemble à une caverne. Il n'y a rien de plus que les autres bâtiments. Mais nous appelons ce lieu l'Église lorsque l'Église du Dieu vivant est là. Lorsque vous êtes là, on appelle ce lieu l'Église. Ce matin, lorsque les croyants sont arrivés, on pouvait dire « nous sommes à l'Église » jusqu'à un certain point. Lorsque les gens sont arrivés, lorsque vous vous êtes présentés, j'ai pu dire hey, « je suis dans l'Église » parce que les croyants, l'Église de Dieu était là. Donc ce matin, j'aimerais répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il construit son Église? Je pense que nous avons vu comment Dieu a mis sa main sur la construction de ce bâtiment-là. Avec les années, comment Dieu a prêté des mains, a prêté des sous, a donné afin que nous puissions nous réunir justement dans un bâtiment. Et ce n'est pas terminé encore parce qu'on parle encore de rénovation, de changer des fenêtres, portes, et déjà on voit encore la main de Dieu qui poursuit sa bénédiction justement, en quelque sorte. Dieu a sa main sur le projet. On voit la main de Dieu encore ici. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Tout au long du processus, Dieu a été le constructeur de ce bâtiment. Il en était et il en est le maître d'œuvre. Nous avons cru en lui, nous avons cru qu'il pouvait pourvoir, nous avons pu qu'il pouvait apporter la main d'œuvre, les sous et tout ça, et il a répondu à nos prières. Et maintenant, nous lui donnons toute la gloire. Nous donnons la gloire à Dieu. Et tout en regardant ce bâtiment qui nous abrite aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit le bâtiment comme une image de l'Église, de la véritable Église. Exemple, sa fondation, la fondation du bâtiment, c'est une image de Jésus-Christ qui est notre fondation. L'acier que vous ne pouvez pas voir, qui est caché, qui retient ce bâtiment ensemble, qui retient les murs ensemble, c'est une image du Saint-Esprit qui agit en arrière-plan, en coulisses, et qui tient l'Église ensemble. Et toutes les briques qui composent les murs, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est une image des pierres vivantes dont Paul et Pierre nous parlent, qui composent le temple spirituel, la Bible nous dit, qui est la maison, l'habitation du Saint-Esprit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5 et Éphésiens chapitre 2, verset 22. Le bâtiment, c'est donc une image, si on veut, de la véritable Église. Notre fondation, c'est Jésus-Christ. Derrière la scène, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur des croyants. Et les pierres vivantes sont les croyants, justement. Dieu a élevé un bâtiment en son honneur, en quelque sorte. Et chaque fois que nous venons ici pour adorer Dieu, pour être enseignés, à chaque fois que nous entrons dans ce bâtiment, nous pouvons nous rappeler que c'est Dieu qui construit son Église, Dieu qui se construit son bâtiment spirituel. Dieu a construit ce bâtiment comme il est en train de construire son Église. La communauté des croyants. Et ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas que les travaux avancent ici. Ce n'est pas que le bâtiment a une meilleure allure. Ce n'est pas même que le bâtiment vaut plus cher maintenant. Ce qui est intéressant, ce qui m'impressionne, c'est que l'Église de Dieu vient ici. L'Église de Dieu est ici lorsque les croyants se présentent. C'est ça qui m'excite, ça m'impressionne. C'est excitant de voir Dieu faire grandir son Église, de savoir que c'est Dieu qui construit son Église. C'est Dieu qui met les pierres vivantes en place dans son Église, dans sa maison spirituelle. Dieu construit bien plus que des bâtiments. Dieu construit des vies. Dieu bâtit des vies. Mais il a construit un bâtiment pour pouvoir abriter la vie qui le bâtit, qui le crée. C'est excitant de voir Dieu bâtir son Église à sa manière. Et c'est très important aujourd'hui de reconnaître ce que Dieu veut faire pour son Église, et spécialement pour nous, l'Église de Val-d'Or. On veut savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici à Val-d'Or. Qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est quoi son plan? On doit se rappeler la réalité de base de l'Église. Je crois que chacun de nous devrait et doit renouveler son engagement envers l'Église, envers nos frères et sœurs, les uns envers les autres. Dans 10 ans, à partir d'aujourd'hui, Dieu seul sait ce que cet endroit sera. Dans 20, 30, 50 ou 100 ans, si Jésus ne revient pas bientôt, si la patience de Dieu se prolonge, qui sait ce que ce bâtiment sera? Vous savez, j'ai été dans des bâtiments qui autrefois étaient des églises et qui maintenant sont des maisons, sont des bars, sont des restaurants, des foyers pour personnes âgées ou même des restaurants. Que sera ce bâtiment dans 10, 20 ou 30 ans? Dieu seul le sait. On ne le sait pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que s'il sera dans 10, 20 ou 30 ans, ça va être fondé sur l'engagement que nous allons prendre aujourd'hui par rapport aux vérités que nous allons entendre de la parole de Dieu. Cet endroit peut être pour la gloire de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou on peut s'écarter et qui sait ce que va devenir le bâtiment. Et tout cela repose sur le fait si l'Église de Val-d'Or sera construite à la manière de Jésus, avec ses plans, avec son modèle. Alors pour commencer, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je veux vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Il y a certaines choses que je pense que nous devons examiner en tant que véritable Église du Seigneur. Matthieu 16, verset 18. Au milieu du verset 18, il est écrit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, vous avez la grande déclaration de Jésus. « Je bâtirai mon Église. » Et la phrase qui suit, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Prévaloir, prévaudront point contre l'Église, ça peut vouloir dire « Ne vaincront pas l'Église, ne l'emporteront pas sur l'Église, ne prendront pas le contrôle de l'Église, ne seront pas supérieurs en force. » C'est la définition que veut dire. Il y en a même qui disent « Les portes de l'enfer ne prévaudront point », c'est que la mort ne pourra pas arrêter l'Église. Parce que c'est Jésus qui bâtit son Église, donc la mort n'arrêtera pas Jésus et la mort n'arrêtera pas son Église. Ça peut aller jusque-là. Donc, la porte du séjour des morts, c'est une image qu'on a vue de la mort, d'un, mais également de Satan et ses anges. « Je bâtirai mon Église et Satan et ses légions d'anges n'auront pas de succès contre mon Église. » C'est ce que Jésus nous dit. « Il ne prendra pas le contrôle. » C'est la grande déclaration de Jésus. Et cette déclaration est notre garantie à nous, les croyants. C'est un absolu, une garantie à 100% à cause de celui qui a fait la déclaration, Jésus-Christ. Il a fait cette promesse, c'est une garantie, c'est un absolu à 100%. Je bâtirai mon Église et Satan ne la détruira pas. Il ne dominera pas sur elle, il ne l'empêchera pas, il ne résistera pas à l'Église. Mais il y a une condition cachée à cette promesse. Et c'est dans le texte. Le texte nous dit « Je bâtirai mon Église. » « Je bâtirai mon Église. » Voyez-vous, la seule façon que l'Église a la garantie que Satan ne prendra pas le contrôle sur elle, c'est lorsque Jésus la construit à sa façon, à sa manière. C'est le point le plus important. Avant que ce bâtiment ici, qui nous abrite, n'ait été construit, il y a eu des plans, n'est-ce pas? Beaucoup de plans, des plans partout, des plans originaux, les plans techniques, ce qu'on appelle souvent les blueprints en anglais. Les gens travaillaient avec des plans. Ce bâtiment a été construit avec ces plans-là, avec ces blueprints. Ou bien, s'il n'avait pas été construit avec des plans, l'inspecteur qui serait venu, auquel on a soumis des plans, aurait dit « Ce n'est pas le bâtiment qui est sur le plan. Ce n'est pas le bâtiment que j'ai approuvé. Vous ne pouvez pas construire. Il n'est pas réglementaire. Il n'est pas approuvé. » Et Dieu a établi un plan pour son Église également. Pour son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église selon ce plan. » Et quand mon plan pour l'Église est construit à ma manière, à ma façon, alors le séjour des morts, Satan et ses anges, la mort, ne pourra pas résister à mon Église, n'aura pas d'emprise sur l'Église, ne pourra pas l'arrêter. Mais comprenez bien que si nous sortons de ce plan, nous renonçons à la garantie. Si l'Église sort du plan que Dieu a prévu pour elle, nous renonçons à la garantie. Il y a des églises dans toute l'Amérique, vous savez. Il y a des églises dans le monde entier depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, plusieurs de ces églises n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas permis à Jésus de les construire selon ses plans, à sa manière, à sa façon. Et la garantie a été annulée à ce moment-là. Et Satan est entré et ces églises ont cessé d'exister. Laissez-moi vous en montrer une. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Apocalypse, chapitre 3, verset 1, nous présente l'église de la ville de Sardes. C'est une ville d'Asie. Et le Seigneur Jésus écrit au pasteur de l'église de Sardes. Le mot « ange » peut parfois être synonyme de « serviteur », de « ministre ». Et c'est fort probablement au pasteur, au ministre de l'Église que la lettre est écrite. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, c'est une référence à Jésus-Christ. Donc Jésus parle à l'Église de Sardes. Écoutez bien. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Wow! Quelle déclaration pour une Église! Quelle déclaration de Jésus-Christ, du constructeur, du bâtisseur, du sauveur de l'Église, qu'il dit à l'Église, « Tu es morte. » « Je connais tes œuvres, » il nous dit. « Tu es une Église très active, avec beaucoup de programmes, avec beaucoup d'activités, mais tu es morte. » L'Église de Sardes, qui est née, qui a été créée par Jésus-Christ, où est-ce qu'il y avait des croyants, où est-ce qu'ils ont persévéré pendant un temps, où est-ce qu'il y avait de la communion fraternelle, c'est une Église normale. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que Jésus-Christ dise « Tu es morte ». Malgré le nombre de ses programmes, malgré le nombre de ses activités et de ses ministères, malgré ses œuvres qu'elle faisait à la vue de tous, malgré l'implication de beaucoup de monde dans cette assemblée, l'Église était morte spirituellement. Sardes, était un cadavre spirituel. Et la raison était qu'elle avait abandonné le plan divin. L'Église a abandonné le plan divin. Et lorsque l'Église n'est pas l'Église dont Jésus-Christ construit à sa façon, à sa manière, alors l'Église perd la garantie que Satan ne gagnera pas contre elle. Comprenez bien ici que je ne suis pas en train de parler de perte de salut. Je suis pas en train de dire que les croyants étaient croyants un jour, ils ne l'étaient plus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur de l'Église où est-ce qu'il y avait des croyants et à un moment donné, il n'y en avait plus de croyants. Ils n'étaient plus là. Ils sont partis, ils se sont retirés, ils sont morts, ils sont malades. Ils ont été remplacés par des non-croyants. Et l'activité de l'Église a continué. Les choses ont continué à être comme se faisait lorsque les croyants, lorsque la vraie Église était là. Et lorsque Jésus parle, il connaît le cœur humain, n'est-ce pas? Il voit les cœurs. Puis il dit, « T'as bien beau faire pareil comme avant, tu es morte. Tu es morte. » Et la même chose s'est produite pour dans l'histoire d'Israël. Ils ont violé le blueprint. Ils ont violé le modèle divin. Et la gloire de Dieu s'en est en allée. Jésus ne bâtissait pas son Église à sa manière. La même chose s'est produite, je voulais dire, pour Sardes. Ils ont violé le plan de Dieu, le plan de l'Église, le plan de Dieu pour l'Église. Et ce n'est plus Jésus qui bâtissait. Ce sont les hommes qui ont commencé à imiter Jésus-Christ, mais sans l'Esprit de Dieu. Ce n'était plus lui qui bâtissait, ce sont les hommes qui ont pris la relève. Et la garantie leur a été confisquée à Sardes. Sardes est morte et n'existe plus aujourd'hui. Et ce que je dis, c'est que si l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or est encore ici dans 20, 30, 40, 50 ou même 100 ans, et qu'elle célèbre toujours la gloire de Dieu, c'est parce que nous allons avoir permis à Jésus-Christ de bâtir son Église à sa façon, de continuer de bâtir son Église à sa façon. Et c'est ma prière pour cette Église, pour l'Église du Seigneur. Vous savez, personnellement, moi, je ne serai pas toujours aux alentours. Et notre frère François ne sera pas toujours avec nous ici à venir nous aider. Et les autres pasteurs ne sont pas toujours là non plus. Il y a une fine ligne entre la vie et la mort. Je ne serai pas toujours là. Mais le modèle divin, le plan de Dieu, le plan du Seigneur pour son Église, lui, ne changera pas. Le plan de Dieu pour son Église ne changera pas. Il ne changera jamais. Jamais. Et quel est ce plan? Quel est ce modèle? Quel est le plan que nous devons suivre pour que Jésus puisse construire son Église à sa façon, à sa manière, et que Satan et ses anges ne prennent pas le contrôle de son Église à Val-d'Or? Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ici, nous rencontrons la première Église de l'histoire. Ce fut l'Église que Jésus a construite le jour de la Pentecôte. La première Église née à la Pentecôte, sans tache, sans corruption. L'Église dans son enfance, dans ses premiers balbutiements, quelques heures après sa naissance seulement. Et vous savez quoi? Cette Église ne connaissait rien au sujet de l'Église. Rien. Il n'y avait pas de précédent d'Église. Il n'y avait pas de dénomination où se rendre. Il n'y avait pas même de Nouveau Testament à lire puis à regarder qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est une Église, comment ça fonctionne. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de séminaire. Il n'y avait pas de conférence. Il n'y avait pas de convention. Il n'y avait pas les experts de l'Église. Il n'y avait pas les livres écrits sur l'Église. Il n'y avait absolument rien. Et pourtant, ce fut l'Église que Jésus-Christ a construit à ce moment-là. Et elle est encore aujourd'hui le modèle pour l'Église du 21e siècle. L'Église du Nouveau Testament, Actes 2, versets 41 à 47, est encore aujourd'hui le modèle pour l'Église de Val-d'Or. Dans Actes 2, Pierre s'est levé pour prêcher et il a prêché un merveilleux sermon. Et comme résultat, 3000 personnes se sont converties, 3000 personnes ont cru, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous vous rappelez, il y avait déjà 120 personnes, 120 croyants dans l'Église. Au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait 120 croyants qui étaient là. 120 personnes qui sont devenues croyants par la grâce de Dieu. Donc 120 plus les 3000, donc 3120 personnes dans la première Église, la première journée. Et c'est l'Église de Dieu. Jésus le bâtit à sa façon. C'est le nombre de la première journée. Et frères et sœurs, nous avons dans ces versets le plan de Dieu pour son Église, le plan de Dieu pour l'Église de Val-d'Or, le plan de Dieu pour votre Église également. Le blueprint pour l'Église et pour celle du monde entier. Et ce plan nous garantit que dans 20, 30, 40 ou même 100 ans à partir d'aujourd'hui, l'Église de Val-d'Or ou votre Église peut encore être ici et célébrer la gloire de Dieu. Alors, regardons ce plan. Regardons ensemble ce blueprint, le plan de Dieu. Verset 42, « Le plan de Dieu demande d'avoir le bon contenu. » Le plan de Dieu demande d'avoir le bon contenu. Ça nous dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La vigueur, la vie de l'Église se trouve dans ces versets. Premier point, ils étaient une Église de rachetés, une Église de croyants. Ils étaient une communauté de personnes sauvées par la grâce de Dieu. Verset 42, où est-ce que je vois ça? Ils persévéraient. C'est la caractéristique des croyants. Ils persévèrent, ils persévéraient. Remarquez bien, 3000 personnes ont cru. 3000 personnes se sont fait baptiser et 3000 personnes ont persévéré. Saviez-vous que Billy Graham a dit que si seulement que 40% de leurs convertis sont véritables, alors, et qu'ils persévèrent, il va considérer que c'est élevé comme chiffre, que c'est un nombre élevé. 40% de tous ceux qui se sont avancés, tous ceux qui ont prié, tout ça, d'ici, il y en a juste 40%, je considère ça comme élevé. Ici, 3000 ont cru, 3000 se sont fait baptiser, 3000 ont persévéré. C'était une véritable communauté de rachetés, de personnes sauvées par la grâce de Dieu. Ils étaient en quelque sorte les champs qui blanchissent Jean 4, 35. Mais ce n'était pas ça la réalité. C'est qu'ils étaient les champs qui avaient blanchi et qui venaient d'être récoltés. Lorsque Jésus bâtit son Église, il l'a bâti de croyants. L'Église de Jésus est constituée de croyants uniquement. Faisons attention, frères et sœurs. C'est facile pour nous peut-être d'impliquer des non-croyants dans l'Église, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la préparation du pain et de la coupe, des repas, que ce soit dans l'enseignement peut-être. Là, on se dit, ah non, pas ça. Mais dans la construction, dans toutes sortes de choses. Faisons attention lorsqu'on les met comme dirigeants de ces ministères-là. Il ne faut pas que ça arrive jusque-là. Pourquoi? Parce que nous croyons que ceux qui servent le Seigneur doivent premièrement connaître le Seigneur. Bien sûr, il y a des moyens d'impliquer les non-croyants, mais pas dans les postes de direction. Faisons attention, même s'ils sont très habiles. Dans Jean chapitre 8, verset 30, il est dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Verset 31, « Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, si vous persévérez, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce n'est pas simplement croire, c'est démontrer que votre foi est authentique en continuant dans la foi, en persévérant jusqu'à la fin. Ici, 3000 ont persévéré, une église de rachetés, une église de sauvés. Frères et sœurs, tout commence là, pour que l'église de Val-d'Or continue d'être l'église que Jésus bâtit à sa façon, selon son modèle, pour que l'église de Val-d'Or continue de réclamer la garantie de Matthieu 16, que Satan ne peut nous arrêter, que Satan ne peut pas prendre le contrôle de cette église. C'est parce que nous aurons le bon contenu. Nous serons et nous sommes une église de rachetés, une église de croyants. Et le bon contenu, justement, ça commence par une église de croyants, sauvée par la grâce de Dieu. Premier point, une église de rachetés. Je voudrais attirer votre attention sur une autre église maintenant. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14, l'église de Pergame. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Ici, le Seigneur Jésus dit à cette église, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, chez toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Balaam, première des choses, c'est un prophète. C'est un prophète qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait louer pour ses services. Et les Moabites, dans la terre promise, avaient peur des Israélites de Israël, que Israël vienne les détruire. Donc, les Moabites dans la terre promise ont peur d'Israël. Et donc, Balaak, qui est le roi de Moab, qui est le roi de ce pays-là, va engager Balaam pour maudire Israël, pour les rendre impuissants, pour les rendre sans force contre les Moabites. Le roi leur dit, « Regarde, je voudrais que tu maudisses Israël, maudis-les et rends-les impuissants, sans force. » Et par trois fois, lorsqu'on lit le texte, par trois fois, Balaam a essayé, du moins, a tenté de maudire Israël. Et par trois fois, il a été empêché. Parce que Dieu, en accord avec Dieu, il ne l'a pas permis. Dieu n'a pas permis que Balaam puisse maudire, que la malédiction de Balaam tombe sur son peuple Israël. Mais vous savez quoi? Les Moabites, Moab, le peuple de Moab et Balak, le roi, ont concocté un autre plan, ont développé un autre plan. Ils se sont dit, regardez, on ne peut pas maudire Israël et les rendre impuissants. Nous allons séduire les fils d'Israël. Nous allons les séduire pour qu'ils épousent les filles de Moab, les filles de notre peuple. Et quand les Israélites et les Moabites vont savoir marier, vont être ensemble, alors Israël ne pourra plus contre les Moabites, ne pourra plus rien contre ce peuple-là. Tu ne vas pas détruire ton épouse, tu ne vas pas tuer ton mari, tes enfants, tout ça. Ils sont ensemble maintenant. On voit ça dans Nombre chapitre 22 jusqu'à chapitre 25. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et c'est la doctrine de Balaam qui nous dit ici, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Et il dit ça à une église ici, à l'église de Pergame. L'église, dans Apocalypse 2, oui, c'est ça, l'église pensait qu'elle pouvait marier, épouser le monde, en quelque sorte. Elle pensait qu'elle pouvait avoir des régénérés et des non-régénérés dans l'église. Elle pensait qu'elle pouvait avoir des sauvés et des non-sauvés, des croyants et des non-croyants. Et qu'ils pourraient tous se réunir sous la même bannière, dans l'amour, pour servir Dieu. Mais ils ne pouvaient pas parce que c'est impossible. Parce que lorsque Jésus bâtit son Église, il l'a bâtie avec son peuple, avec les élus, avec des croyants. Donc, pour commencer, l'Église doit être rachetée. 2 Corinthiens, chapitre 6. Versets 14 à 15, ça nous dit « Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité ?» Dans la version française courante. « Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité ? Comment Christ pourrait-il s'entendre avec le diable ?» Cette église était une église de racheté, dans Acte 2. Et le jour où on abandonne cet engagement-là, d'avoir des dirigeants, d'avoir des leaders, d'avoir une église de racheté, alors, l'Église commence à laisser entrer l'ivraie. Et on sait ce qui se passe avec l'ivraie, c'est qu'elle grandit et elle prend le relais, elle prend le dessus sur le blé. Et la garantie de Matthieu 16, verset 18, tombe à ce moment-là. On ne peut plus dire que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce qu'elle n'est plus construite selon le modèle, selon le blueprint de Dieu, selon le modèle de Jésus-Christ, à sa façon, à sa manière. Deuxième chose, non seulement l'Église doit être une Église de rachetés, de croyants, mais également une Église remplie de l'Esprit de Dieu. Verset 38 de Acte 2. Nous savons bien entendu que lorsque nous devenons croyants, lorsque Dieu nous sauve, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans Actes chapitre 1, verset 5, Jésus a promis que l'Esprit allait venir. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a promis que l'Esprit viendrait avec puissance, apporterait sa puissance. Ça nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans Actes 2, 4, on voit que le Saint-Esprit est venu. Et donc, on voit une église de racheter. et par conséquent une Église qui est habitée par l'Esprit de Dieu, qui est contrôlée, dirigée par l'Esprit de Dieu. Voyez, ce qu'on ne veut pas dans l'Église, c'est que l'Église soit contrôlée par l'être humain, par des efforts humains, par des capacités humaines. C'est là que Jésus peut dire, « Hey, tu es morte, ce n'est pas mon esprit qui te conduit, c'est toi. » Pour que l'Église de Val-d'Or continue d'être ce que Dieu veut. Pour que l'Église de Val-d'Or continue d'être construite à la manière de Jésus-Christ. Pour que l'Église de Val-d'Or continue de réclamer la garantie de Matthieu 16, verset 18, que Satan ne pourra pas l'arrêter. Ce sera parce que nous sommes une Église de sauvés, de rachetés, qui est dirigée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour l'effort humain dans l'Église. Pas de place pour ça. Troisième point, l'Église doit avoir de l'enseignement. Elle doit avoir de l'enseignement. Remarquez cette belle Église neuve de Acte 2, construite au jour de la Pentecôte. Il est dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » C'est une Église qui enseignait la parole de Dieu, qui recevait la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu n'était pas écrite encore. C'est vrai? Je parle ici du Nouveau Testament. Il n'avait pas une Bible comme un Nouveau Testament entre les mains. Mais l'enseignement des apôtres était la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 37, il est écrit, « Si quelqu'un prétend être spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je dis sont les commandements de Dieu, la parole de Dieu. » Jude dit, dans Jude, chapitre 1, verset 17, « Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres. » Pourquoi? Parce que Dieu a donné aux apôtres sa parole à travers les apôtres. Verbalement, à ce moment-là, et pour nous, écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. On l'a dans les écrits maintenant, dans le Nouveau Testament. Donc, cette Église était construite à la manière de Jésus-Christ. Une Église de rachetés, habitée par le Saint-Esprit et engagée à l'enseignement de la parole de Dieu et à son apprentissage, bien entendu. C'est la clé. Et l'Église ne sera jamais en mesure de réclamer la garantie si elle n'enseigne pas la parole de Dieu. Ça fait partie du deal, ça. C'était une Église qui avait de l'enseignement et qui la mettait en pratique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça implique tout ça. Être enseigné et persévérer dans cet enseignement-là, la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Il y avait de l'enseignement, il y avait de l'apprentissage. Lorsque Paul dit à Timothée et Tite, il leur parle, et il leur dit la même chose encore et encore et encore. Il dit, enseigne la saine doctrine. Enseigne la parole, prêche la parole, c'est ce qu'il leur dit. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, il leur dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pour que l'Église soit construite à la manière de Jésus, elle doit être une Église rachetée, constituée de personnes nées de nouveau, contrôlée par l'Esprit de Dieu et qui reçoit de l'enseignement de la parole de Dieu. Quatrièmement, la première Église de Jésus était une Église qui avait, quoi? De la communion fraternelle. Ah ben ça, on connaît ça, de la communion fraternelle. Ils avaient de la communion. Vous savez, les gens disent souvent, on entend ça, une grosse Église, c'est difficile d'avoir de la communion fraternelle parce qu'on ne connaît personne, on ne peut pas tout connaître, tout le monde, tout ça. Oh, j'aime pas ça. L'Église, la première, 3120 personnes dans la première Église. Le premier jour, et la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc, il n'y a pas d'excuse ici. La communion fraternelle, c'est simplement partager sa vie avec les autres, avec quelqu'un d'autre. C'est un partage intime entre frères et sœurs. La communion fraternelle, c'est beaucoup plus que de parler ensemble. C'est de s'aimer les uns les autres. C'est de prier les uns pour les autres. C'est s'édifier les uns les autres. C'est se reprendre les uns les autres. C'est s'exhorter les uns les autres. C'est se donner les uns aux autres. Koinonia, c'est le mot communion fraternelle. Et le mot koinonia est utilisé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et il n'est pas toujours traduit par communion fraternelle. C'est intéressant. Donc, lorsqu'on dit on a eu de la communion fraternelle, des fois, on s'accroche peut-être juste à une des significations. Je vais vous en donner d'autres. Le mot koinonia, qui dans notre texte de Actes chapitre 2, est traduit par communion fraternelle, peut être traduit ailleurs par commun. contribution, don, prendre part, communication, association, union, participation, libéralité. Voyez tout ce que ça implique, la communion fraternelle. Et ici, à Val-d'Or, nous avons l'opportunité, au mois d'août, d'avoir de la communion fraternelle avec des frères de l'extérieur qui nous viennent, je crois, de différentes églises, qui viennent nous aider justement pour rénover ce bâtiment. Il nous faut sauter sur cette opportunité justement pour exercer, pour mettre en pratique les uns les autres, pour avoir cette communion fraternelle avec eux. Il ne faut pas manquer cette opportunité-là. Vous savez, il ne faut que deux personnes pour avoir de la communion fraternelle. L'engagement d'aimer et de partager votre vie avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faisait dans le Nouveau Testament, la première Église. C'est le modèle, c'est notre modèle à nous, c'est votre modèle à vous. Ces personnes avaient de la communion fraternelle, un partenariat. Après tout, nous avons tous la même vie commune éternelle. Nous avons tous le même Esprit de Dieu. Nous avons tous la même puissance qui agit à travers nous. Nous avons tous passé l'éternité ensemble. Nous avons tous le même Seigneur, Jésus-Christ, le même Dieu, la même Église, la même famille, la même destination. C'est des bonnes raisons pour avoir de la communion, n'est-ce pas? Et il est temps de vivre justement les uns les autres, que nous partagions les uns avec les autres. Dieu a planifié pour son peuple de la communion fraternelle. Notez que le point central de leur communion, c'était quoi? C'était de rompre le pain. C'est la table du Seigneur qui parle ici. Et tant que moi je vais être ici, nous allons rompre le pain régulièrement. Nous allons partager la table du Seigneur parce que c'est le point central de notre communion. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs, afin que nous soyons connectés avec le Père, afin que nous adorions, que nous louons ce pour quoi nous avons été créés. L'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or doit persévérer et être une Église qui a de la communion fraternelle. Continuez d'être une Église qui a de la communion fraternelle, qui reçoit de l'enseignement. Continuez d'être une Église, bien sûr, s'il y a des croyants, ils sont habités par le Saint-Esprit. Une Église de rachetés, de personnes sauvées par la grâce de Dieu, finalement, et non par les efforts humains, non par les œuvres. Et lorsque les plans sont respectés, les plans de Actes chapitre 2, versets 41-47, lorsque ces plans-là sont respectés par l'Église, lorsque le modèle est juste, alors la garantie est valide. Et si la garantie est valide, alors Satan et ses anges et la mort ne peuvent pas résister à l'Église. Je voudrais vous apporter un dernier point, un point important concernant le contenu, le bon contenu. La première Église était une Église de prière. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Vous voyez, Jésus avait fait une promesse. Il nous a fait cette promesse-là. Il le dit dans Jean, chapitre 14, verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et c'est la prière. Ce n'est pas la prière individuelle, quoi qu'il faut persévérer aussi là-dedans. C'est la prière de groupe, la prière en assemblée, la prière de famille. Nous devons persévérer dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Nous croyons, nous, ici, à Val-d'Or, à la prière, n'est-ce pas? Dieu a répondu tellement de fois à nos prières. Dieu a été gracieux. Et Dieu est gracieux. Et nous devons, encore une fois, nous réengager, ne pas perdre de vue le but, et nous réengager dans la prière. Parce que la prière, c'est de reconnaître que nous sommes totalement et entièrement dépendants de Dieu. La prière, c'est reconnaître que nous sommes totalement et entièrement dépendants de notre Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. La première Église était une Église de prière. Et nous avons besoin de réaffirmer la nécessité de la prière ici à Val-d'Or. Et peut-être c'est le cas chez vous aussi. L'Église presbytère se réunissait pour la prière de groupe. Elle était une église de rachetée, une église remplie du Saint-Esprit, une église d'enseignement, une église de communion, une église de prière. Voilà le plan de Dieu pour son église. Voilà le plan de Dieu pour l'église de Val-d'Or. Voilà le bon contenu. Mais lorsque toutes ces choses sont manquantes, ou lorsque une de ces choses sont manquantes, qu'elle ne respecte pas les significations, Jésus ne peut pas dire « c'est mon Église ». La garantie est nulle et non avenue. Et il y a beaucoup d'Églises qui sont vides aujourd'hui, parce qu'ils se sont éloignés en dehors du plan directeur de Dieu que vous voyez dans le texte ce matin. Et le Seigneur dit « je ne peux pas approuver une telle Église, ce n'est pas la mienne ». Mon Église, je l'ai bâtie à ma manière. Et si tu l'as bâtie à ta manière, à ta façon, alors ce n'est pas l'Église du Seigneur. C'est lui l'inspecteur, Jésus-Christ. C'est lui l'inspecteur qui met le jugement, qui rend le jugement. Maintenant que nous connaissons le contenu approprié, si le bon contenu est présent, la prochaine étape, c'est quoi? Point 2, avoir la bonne attitude. La bonne attitude. Notez la bonne attitude au verset 43 de notre texte. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Remarquez que lorsque le contenu est bon, l'attitude est bonne aussi. Et quelle est cette attitude? Quelle est cette bonne attitude? Premièrement, verset 43, ça nous dit que chaque âme était dans la crainte. Tout le monde, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et la crainte ici, ce n'est pas « on a peur ». C'est une crainte respectueuse, une crainte de la parole, un respect de la parole de Dieu, un respect des apôtres, un respect de Jésus-Christ, un respect les uns des autres. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Une crainte respectueuse, un respect. Imaginez une histoire incroyable venait d'arriver, là. Un jour, il n'y avait pas d'église, le lendemain, il y en avait 3120 personnes. Une communauté de personnes confrontées à la puissance de Dieu. Une communauté de personnes confrontées à la puissance de Dieu. Donc, première attitude, c'est qu'ils étaient dans la crainte, qu'il y avait du respect pour ce qui était dit, ce qui était fait. Deuxième attitude de cette Église, c'est qu'elle était aimante, une Église aimante. Verset 44, ça nous dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. » Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient ensemble. J'aime cette déclaration, ils étaient ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Savez-vous ce que ça signifie, ça? Unité, unité, unité. L'unité de l'Église. C'est Jésus-Christ qui les unissait. Tous ceux qui croyaient, il y avait de l'amour qui s'exprimait dans cette Église. Ils avaient tout en commun, la Bible nous dit. En d'autres termes, je ne possède rien qui ne soit pas à vous. Si vous avez un besoin que j'ai les moyens de répondre à votre besoin, alors voici ma réponse à votre besoin. Verset 45 dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et le verbe est à l'imparfait. Ce qui veut dire qu'ils étaient continuellement en train de vendre leurs biens, vendre des choses parce que les besoins continuaient à venir. Il y avait continuellement des besoins. 3000 personnes, rappelez-vous, ça en fait du monde, ça en fait des besoins. Il y a un contexte, bien sûr. Ce que je veux dire aussi, ce n'était pas du communisme. Ce qui s'est passé dans l'Église du Nouveau Testament à ce moment-là, ce n'était pas du communisme. Ce n'était pas vendre tout, mettre tout dans un pot et séparer également. Non, ce n'était pas ça du tout qui se passait là. Parce que les inégalités dans l'Église nous donnent l'occasion d'exprimer notre amour pour les autres. Les inégalités dans l'Église nous donnent l'occasion d'exprimer notre amour pour les autres. Donc, ils donnaient tout simplement des choses ou ils les vendaient pour obtenir de l'argent afin d'aider leurs prochains, leurs frères, leurs sœurs qui étaient dans le besoin. Bien entendu, il y a un contexte particulier là, à cette nation juive. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient. Et il faut dire ici que lorsqu'ils s'identifiaient à Jésus-Christ, ils étaient rejetés de tout l'autre peuple. Ils pouvaient perdre probablement leur emploi, ils étaient rejetés par leur famille, tout ça. Donc, ça dit qu'ils étaient ensemble pour survivre jusqu'à un certain point. Mais chose certaine, l'amour était en action. Il y avait de l'amour en action. L'amour de Dieu agissait à travers les frères et sœurs là-bas. Il y avait un partage et un amour qui était évident pour le monde et pour tout le monde. Remarquez au verset 46, avec simplicité de cœur. Verset 46 encore, tous ensemble. Verset 44, tout en commun. Voyez-vous, l'unité ici. Il y avait une belle complicité qui provenait de l'amour de Dieu pour eux et de leur amour pour Dieu et les uns pour les autres. Donc, l'Église de Dieu, avec le bon contenu, manifeste la bonne attitude, les bonnes attitudes. Dieu était à l'œuvre à ce moment-là. Dieu était à l'œuvre. Et Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui dans son Église. Amen à ça. Verset 46, « Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quels furent les résultats de cette bonne attitude-là, de ce bon contenu-là? Tout d'abord, verset 46 nous dit, « Ils prenaient leur nourriture avec joie. » Vous pouvez dire qu'une Église a le bon contenu et qu'elle vit avec la bonne attitude, lorsqu'un des résultats, c'est la joie. Lorsque les gens sont heureux dans l'Église. Parce que c'est ce qui s'est passé dans notre texte ici. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient les bons éléments. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient été rachetés par Dieu, pardonnés. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient été remplis de l'Esprit de Dieu pour les diriger. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient appris les vérités de la parole de Dieu et qu'ils l'apprenaient. Ils étaient heureux pour toutes ces raisons. Ils étaient heureux parce qu'ils s'aimaient les uns les autres, parce que Dieu les aimait. Ils étaient heureux parce que Dieu était à l'œuvre dans l'Église. Ils voyaient l'œuvre de Dieu, la main de Dieu dans l'Église. Lorsque Jésus bâtit son Église à sa manière, l'Église est heureuse et remplie de joie. Ce fut le premier résultat. Deuxième résultat de cette bonne attitude-là, lorsque l'Église rend grâce, c'est ça, l'Église rend grâce à Dieu. L'Église loue le Seigneur. Le verset 47, louant Dieu. La louange est un autre résultat d'une Église avec une bonne attitude. Le premier résultat était une Église pleine de joie et le deuxième pleine de louange. La louange dans l'Église. La louange de son Dieu, de son Sauveur. Et troisième point, pour terminer, une Église, c'était une Église attirante, où les gens étaient sauvés. On pourrait appeler ça de la croissance. Il y avait de la croissance dans l'Église. La fin du verset 47 nous dit, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Écoutez, ma prière pour l'Église de Val-d'Or, c'est qu'elle grandisse. C'est qu'elle grandisse. J'aimerais en venir à un point dans ma vie où est-ce qu'on doit se réunir tous les jours pour pouvoir accueillir tout le monde, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir avoir cette communion fraternelle les uns avec les autres, parce que nous persévérons. Il y avait 5000 croyants dans Actes chapitre 4, et deux chapitres plus loin, il y en avait 20 000 croyants. Et c'est la façon dont Dieu bâtit son Église. Dieu fait croître l'Église. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Et vous savez quoi? C'est ce que Dieu est en train de faire avec l'Église de Val-d'Or. Dieu est en train de bâtir son Église, ici aussi à Val-d'Or, cette Église locale. Et l'Église va croître, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est la promesse du Seigneur, si nous gardons son modèle, son plan. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous faisons. Mais soyons vigilants. Si nous avons le bon contenu et si nous manifestons la bonne attitude, Dieu va amener les résultats. C'est à lui les résultats. C'est lui qui fait bâtir, qui bâtit son Église. Dieu va faire croître, j'en suis persuadé. Et il le fait déjà dans vos cœurs, dans nos cœurs. C'est ma prière donc pour l'Église de Val-d'Or, qu'elle grandisse, qu'elle croisse en sagesse, qu'elle croisse également en nombre, mais qu'ils croissent par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et non pour toute autre chose des yeux humains. On va terminer, si vous voulez bien, en priant. Notre bon Père du ciel, je te rends grâce. Je te loue, je te remercie, Seigneur, que c'est toi qui as dit « Je bâtirai mon Église ». C'est le Seigneur qui a dit ça. C'est toi qui es à l'œuvre. Tu étais à l'œuvre dès notre naissance. Tu étais à l'œuvre bien avant que nous fussions nés. Avant les temps éternels, tu as écrit nos noms dans ton livre de vie. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Et un jour, lorsque tu nous as créés, tu nous as convaincus que nous étions pécheurs, que nous étions sans force, que nous étions morts spirituellement et que toi, tu es la vie et que sans toi, nous étions perdus. Et dans ta grâce, tu nous as accordé le pardon, tu nous as accordé la foi et la repentance. Et nous avons cru à ce merveilleux Sauveur, à ce Dieu merveilleux que tu es. Et tu nous as acceptés, tu nous as reçus et tu nous reçois dans ta présence, Seigneur. Maintenant, bon Père du ciel, parce que tu es grand, parce que tu es tout-puissant, parce que tu sais tout, nous te demandons de garder cette Église ici à Val-d'Or, de ne pas permettre que nous nous éloignions de ton plan directeur, Seigneur, que nous désirions, de ne pas permettre que nous désirions, nous, de faire comme les enfants qui disent « Je suis capable maintenant, laisse-moi faire ». Donne-nous la grâce de persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans l'adoration, dans la louange de ton nom, Seigneur. Dans la fraction du pain, oui. Sois béni, Seigneur, sois le centre de cette Église. Tu es le centre de nos cœurs et sois le centre de notre attention, de nos enseignements, de nos aspirations, de nos désirs, de notre amour. Sois celui qui est béni dans cette Église, sois celui qui est glorifié. Par ton esprit, nous savons que tu nous diriges. Et sois loué, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Donc, je vous invite à revenir encore dans quelques semaines. Nous allons poursuivre de nouveau sur le thème de l'Église locale. D'ici là, je vous invite à vous réengager devant le Seigneur dans la prière, dans la fraction du pain, dans la louange, dans tout simplement à persévérer. Exhortez-vous les uns les autres. Persévérez dans les uns les autres. On a vu la communion fraternelle, qu'est-ce que ça implique? C'est beaucoup plus que parler les uns avec les autres. C'est se donner soi-même les uns aux autres. C'est donner aussi aux autres. Donc, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.